Oui. Bah oui, faites-moi le chèque. Laisse tomber la monnaie. Allez, ma chambre. Ça veut dire 5 ok. Ah, fisso. Bien le score. Mais j'ai plus cher. 3 pour 20 ans, là, on dit. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai signé. Elle a vu un déchiré. Là, j'en ai marqué. Vous laissez les camions. Ah, bah, Julien, vous le remettez. Madame, merci. Merci. Merci, au revoir. Il y a pour le coup, tu peux essayer.